Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes et bonjour à tous. La mélancolie semble ne jamais avoir quitté vraiment Pierre Loti. Une mélancolie douce et enchanteresse qui trouve ses racines dans la nostalgie de l'enfance, à la fois choyée et quelque peu difficile, quand sa famille d'extraction bourgeoise s'est trouvée déclassée et ruinée par l'opprobre jeté sur son père, envoyé un temps en prison pour des questions de fraude. La mélancolie de l'enfance, c'est également la mort de son frère, qui était aussi son modèle et qui est mort quand le futur écrivain n'avait pas plus de 13 ans. Tout cela, Alain Kellavi-Léger nous l'a raconté lundi dernier au cours d'une émission que vous pouvez retrouver en téléchargement. Et puis hier, nous avons parcouru l'œuvre de Pierre Loti. C'était en compagnie de Bruno Versier qui nous a parlé des journaux, de la place de l'autobiographie dans l'œuvre ainsi que du cycle marin de l'écrivain. Et puis demain, c'est sur la question de l'orientalisme que nous allons nous attarder avec Sophie Bache qui nous parlera aussi du roman Les Désenchantés où il est question de jeunes filles cultivées dans les harems turcs au début du XXe siècle. Et aujourd'hui, aujourd'hui, pour évoquer les voyages de Loti, nous sommes en compagnie de Jean-Claude Perrier, journaliste et écrivain. Il va faire paraître le livre Le Monde selon Gide chez Flammarion le 6 novembre prochain. Mais c'est aussi un passionné de l'œuvre de Pierre Loti, dont il édite depuis quelques années un certain nombre de textes. Et en particulier, cela tombe bien, ses récits de voyage aux éditions Artaud. Bienvenue à tous, voici la compagnie des auteurs. En 1910, fut atteint par la limite d'âge, il comptait 42 ans, 3 mois, 13 jours de service, dont 19 ans, 11 mois, 10 jours à la mer. Près de 20 ans de service à la mer, ces chiffres se passent, je crois, de tout commentaire. Ces chiffres qui se passent de commentaires, nous allons pourtant vous les faire commenter. Plus de 19 années hein, quand même passées sur la mer, Jean-Claude Perrier. Absolument. Bonjour à vous. Bonjour. Alors il est allé partout, hein, ou presque. Et... oui. Alors, mes prédécesseurs illustres, Kellavi-Léger et Versier, ont dû vous le dire, mais je crois qu'on peut réinsister. Je crois que Loti a commencé à voyager pour fuir. Pour fuir son environnement provincial, familial, et ce que vous rappeliez tout à l'heure, c'est-à-dire la faillite de son père, accusé injustement de détournement de fonds, puisqu'il a été libéré et blanchi. Mais il a dû tout rembourser. Il a dû tout rembourser. Ensuite, il y avait une atmosphère un peu bigote dans la famille, qui était à la fois à moitié protestante, à moitié catholique. À un moment, le jeune Julien Viau, puisque c'est son vrai nom, a failli être pasteur. Et puis, il y a eu le grand appel d'air du frère aîné, dont vous parliez aussi tout à l'heure. Et effectivement, le cadet s'est vite mis à rêver de suivre les traces de l'aîné. Et donc, il prend la tangente dès 17 ans. Dès 17 ans, il passe le concours des cadets de marine et donc il va quitter son Rochefort natal assez rapidement. Rochefort qui est quand même un haut lieu de la marine de guerre, et ce depuis Colbert. Absolument. Donc c'était aussi un appel d'air. Oui, il baignait un peu là-dedans. Mais la famille était... enfin, il y avait un peu de tout dans cette famille, mais ce n'est pas vraiment une famille d'officiers de marine, si vous voulez. Il y avait des marins quand même parmi les ancêtres. Oui, de dans les ancêtres un peu lointains, il y avait des marins. Alors, c'est justement cette vie de marin qui va lui fournir la matière de ses récits, on va le voir tout au long de cette émission. Et il est allé à peu près partout sur le globe. Vous avez réuni, vous, ces voyages en 7 volumes, plus un à paraître très bientôt, au Moyen-Orient. C'était en 2012, en Extrême-Orient. Vous avez publié ça en 2014. Voyage en Inde date de 2015. Voyage en Turquie l'année d'après. Et puis il y a aussi le voyage au Maroc et les reportages de guerre. Alors c'est pas vraiment un voyage, ça, quand même, les reportages non, de guerre. Non, alors ça s'est ajouté, si vous voulez. Le projet de base, comme vous l'avez rappelé, était que l'intégrale des voyages de Pierre Loti, avec des textes très connus et des textes complètement inconnus, se trouve accessible intégralement chez le même éditeur, présenté de façon agréable, si vous voulez. C'était un peu dispersé, il y en avait chez tout le monde. Donc, il y voilà, en avait même qui n'avaient pas été réédités depuis très longtemps. Il y en a même qui n'avaient pas été réédités depuis très très longtemps, notamment ces reportages de guerre. Donc chemin faisant, si vous voulez, j'aurais pu faire 6 volumes des œuvres de Loti strictement sur le voyage. Mais s'est posé assez vite la question des textes de guerre, qu'on a appelé reportage de guerre, parce que Loti, effectivement, avait publié 3 volumes à chaud pendant la guerre de 14, et je trouvais assez fascinant de raconter la guerre de 14 de Loti, le pourquoi, le comment, et de republier ces textes qui n'avaient jamais été réédités depuis leur publication originale. Alors on peut peut-être revenir justement, avant de parler des autres voyages, sur ces reportages de guerre et sur la guerre de Loti, parce que c'est quelqu'un qui était déjà assez âgé au moment où la Première Guerre mondiale se déclare, mais il décide de s'engager. C'est quand tout même à fait extraordinaire. Donc, il est né en 1850, donc le calcul est facile, il a 64 ans en 14. Il est déjà à la retraite depuis l'âge de 60 ans, donc depuis 1910. On entendait la voix tout à l'heure qui rappelait ses états de service, donc il était tranquille dans sa maison de Rochefort. Éclate la guerre. Élément fondamental, ses fils sont mobilisés. 3 de ses fils, le légitime Samuel Viaud et 2 de ses illégitimes, les 2 survivants, puisqu'il a eu 4 fils dont 2 sont morts jeunes ou en bas âge. Donc il a eu 3 fils envoyés à la guerre, et Loti a fait des pieds et des mains pour se faire envoyer, pas dans les tranchées de Verdun, mais au front, au combat. Comme journaliste ? Pour voir et raconter. Toute la vie de Loti, c'est aller voir et raconter, avec un courage physique indéniable. Alors, il y a tout un tas d'histoires autour de cette affaire. Par exemple, il veut aller à Verdun. Il veut aller voir défendre Verdun. Et un certain colonel Pétain l'envoie bouler en disant « Nous n'avons pas besoin de marins pour défendre Verdun. » Ce qui était quand même d'une lucidité totale qui l'a caractérisé, ce type. Et Loti, parce qu'il avait des amitiés politiques puissantes, Clémenceau notamment, Poincaré, Alexandre Bartou, le ministre des Affaires étrangères, se fait nommer en première ligne et il est estafette en fait. Mm-hmm. Donc il va partout et il est vraiment dans les tranchées, il est aux premières lignes et au jour le jour, il écrit des articles et il les envoie et ils sont publiés dans le Figaro par exemple, d'où les 3 recueils de textes sur la guerre de 14. Donc c'est pas un voyage, vous avez raison, mais c'est quand même une belle aventure, disons, et je trouvais que c'était pas absurde de l'inclure dans notre entreprise, surtout qu'on l'a sorti en 2018, le volume exprès pour clore les festivités ou les célébrations de la guerre de 14. Et puis d'autant plus peut-être que c'est quelque chose qui va complètement à l'encontre de l'image qu'on a de Pierre Loti. Tout à fait, parce que Loti est fondamentalement un pacifiste. C'est une âme sensible, hein, c'est une âme tendre. Il pleure toutes les larmes de son corps quand ses fils sont envoyés au combat. Même dans d'autres occasions, quand il est en Indochine au large et qu'il y a des combats extrêmement violents au Vietnam face à Saïgon, Loti écrit texto tous ces jeunes garçons qu'on envoie à la boucherie, etc. Il décrit ça de manière absolument sensible, dramatique et pathétique. Et il n'est pas du tout belliciste, c'est complètement faux. Et la guerre de 14, il en raconte le quotidien, il en décrit les horreurs. Mmh. Il y a un texte fabuleux sur la cathédrale de Reims, qui est une cathédrale fantôme. Loti prononce devant l'Académie française en 1915 une homélie, mais oui, une espèce d'oraison funèbre pour la cathédrale de Reims, qu'il ira ensuite lire là-bas in situ. C'est un texte absolument fabuleux. Autrement dit, et là encore ça va à l'encontre de l'image qu'on a de cet écrivain, Loti était un témoin de son temps et il était aussi impliqué dans les affaires du monde. Bien sûr, c'est un témoin engagé. Ce n'était pas que quelqu'un qui vivait, qui voyageait et qui vivait dans son rêve. Pas du tout. Alors, il ne s'est jamais battu physiquement, parce qu'il était officier de marine. Donc, en général, les marins restaient au large quand il y avait un conflit ou une offensive, mais il voyait tout, il savait tout, il allait sur le terrain, il prenait des notes, il racontait et il témoignait et il s'engageait dans ses témoignages. Ce n'est pas du tout un témoin objectif. On est dans le passionnel, on est dans le sentimental, on est dans le polémique. Et ça lui a valu à la fois une gloire universelle et aussi quelques avanies. Donc vous annoncez pour le 6 novembre prochain, aux éditions Artaud toujours, le volume de l'île de Pâques à Obock en passant par Séoul et d'autres récits de voyage. Alors c'est un titre qui est plus long que Au Maroc, Voyage en Inde, Voyage au Moyen-Orient, qui étaient les titres précédents. Ça veut dire qu'on arrive à la fin, après il n'y aura plus rien à retrouver de ces voyages de Pierre Loti. À moins qu'on découvre des inédits. Alors les titres, si vous voulez, dans les volumes parus, il y en a certains qui sont de Loti. L'Inde sans les Anglais, par exemple, c'est un titre de Loti. Au Maroc aussi. Les autres, c'est nous qui les avons regroupés. Les voyages en Extrême-Orient ou les voyages en Turquie, c'était pour la commodité, si vous voulez, de l'édition. Et donc, je trouvais que c'était pas absurde de les réunir en grande zone géographique. Alors, en zone géographique plutôt que chronologique, pour quelle raison ? C'est chronologique à l'intérieur de chaque volume, mais chaque volume est géographique. En tout cas, on a l'impression que c'est assez intarissable. Oui. Ça fait quand même un nombre de pages très très impressionnant. Jean-Claude Perrier. Il a beaucoup écrit. Il a énormément écrit puisqu'il écrivait tout le temps et partout. Œuvres sur France Culture. Alors, quelles étaient les destinations favorites de Pierre Loti et surtout, ont-elles changé au fur et à mesure dans sa vie, Jean-Claude Perrier? Il y a des moments où il semble privilégier la Méditerranée, d'autres moments où il va plutôt aller en Extrême-Orient. Est-ce qu'on peut, comme ça, distinguer différentes phases? Alors, c'est pas exactement des phases. Déjà, il y a deux types de voyages chez Loti. Il y a ce que j'appellerais les voyages professionnels, c'est-à-dire qu'il est officier de marine dans la marine française, donc on l'envoie en mission sur des bateaux, soit patrouiller, soit sur des zones de conflit, etc. Donc là, c'est du voyage obligatoire, si j'ose dire, sauf qu'il en profite souvent. Si par exemple il a une permission, hop, il s'échappe et il en profite quand il est dans la zone pour découvrir les alentours ou d'autres pays. Mais est-ce que pour autant il parle de sa vie d'officier ? Vous lire le quotidien, le vécu, assez peu, sauf quand c'est fictionné. Dans certains romans, il y a des transpositions. Loti, c'est à la fois tout autobiographique et tout réinventé. Par exemple, quand on se dit, ah ben là c'est chouette, il a mis les dates dans son journal de voyage. Par exemple, dans l'Inde sans les Anglais, tout est daté comme un vrai journal. Sauf que c'est tout faux. La chronologie est fausse. Vous voyez, on sait par exemple qu'il s'est pas du tout embarqué de Calcutta, il est parti de Bombay. Donc il nous fait croire qu'il s'est embarqué de Calcutta, qu'il est rentré en Europe, c'est pas vrai du tout, si vous voulez. Donc c'est quand il est le plus précis ou quand il donne les apparences de la précision autobiographique qu'il est le plus fictionnel. Mais il y a peut-être une raison pour ça, Jean-Claude Perrier, c'est que à certains moments, il n'a pas forcément envie qu'on retrace exactement son parcours, parce qu'on c'est se rendrait faux. Compte de choses dont il ne souhaiterait peut-être pas qu'on se rende compte. Il n'y a rien de honteux à mon avis, mais simplement parfois il disparaît de la surface. Et on pense, les spécialistes s'accordent maintenant à penser que c'est souvent parce qu'il effectuait des missions officieuses pour le gouvernement français. Un agent secret alors. Absolument, Loti espion. Alors racontez-nous ça. Eh bien, je vous ai dit tout à l'heure qu'il avait des amitiés politiques du plus haut niveau, donc Clémenceau, Poincaré, Alexandre Bartou, etc., de tous horizons politiques, mais plutôt centre-gauche, comme on dirait aujourd'hui. Loti était profondément patriote. Pas nationaliste ni cocardier, comme quelques esprits forts ont voulu nous le faire croire, mais fondamentalement patriote, ce qui explique beaucoup d'autres de ses engagements. Il avait vraiment la France chevillée au corps et doublement en tant qu'officier, évidemment. Et donc, il était au service de son pays, comme on dit. Et il se trouve que... Alors, je ne sais pas pourquoi, peut-être qu'il avait des talents de négociateur, peut-être qu'il avait une prestance, je ne sais pas, peut-être que c'était un merveilleux orateur. En tout cas, il a effectué pour le gouvernement français, pour plusieurs gouvernements français, des missions. Pendant la guerre de 14, dont on parlait tout à l'heure, il va rencontrer la reine des Belges, il va rencontrer le roi d'Espagne en mission pour le gouvernement, pour je ne sais pas trop quoi, peut-être pour les conforter dans leur hostilité aux Allemands, pour assurer du soutien de la France, les Belges envahis, etc., ce genre de choses. Et puis, il y a des missions plus rigolotes. Il va en Perse en particulier, comme on appelait autrefois l'Iran. Il y a une mission en Perse depuis l'Inde, justement, au lieu de rentrer directement. Il va en Perse et on ne sait pas bien ce qu'il est allé y faire. Il y a une mission à Berlin aussi, qui est assez mystérieuse dans les mêmes années. On est en 1899-1900. Donc une mission à Berlin, on ne sait pas trop ce qu'il va faire. Peut-être désamorcer un conflit qu'on pressent ou ce genre de choses. Ça, ce sont vos hypothèses ? Non. C'est les, si vous voulez, les voyages sont attestés, on le sait. Après, ce qu'il va y faire, oui, c'est des hypothèses. Dans la mesure où on ne le sait pas, il faudrait aller consulter les archives du Quai d'Orsay, ce que je n'ai pas fait. Pour voir s'il y a des TD pour, qui racontent sa mission. Parce que il y a peut-être aussi des moments où il n'a pas voulu raconter qu'il allait visiter un site très touristique, parce qu'il clame partout qu'il n'aime pas les touristes, et il n'a pas très envie qu'on sache que lui aussi, parfois, c'est un touriste comme les autres. C'est vrai, sauf qu'à son époque, même si... Le tourisme de masse pointait déjà le bout de son nez, ça n'avait rien de comparable. Donc même au Taj Mahal, on pouvait être tranquille à l'époque de Lodi, ce qui est plus difficile aujourd'hui. Ah, et pourtant, il aime quand même se distinguer de ce qu'il appelle les touristes Cook, du nom de cette agence de voyage, qui d'ailleurs a des soucis, soucis. Aujourd'hui, mais qui, au 19e siècle, visiblement, fonctionnait à Paris. Bien sûr, ah, il aurait détesté ça. Et c'est marrant parce qu'on parlait du Taj Mahal à l'instant, il déteste le Taj Mahal, il dit que c'est une grosse pâtisserie sucrée, que c'est moche, ça l'intéresse pas, il aime les temples dravidiens, les vrais temples hindous, donc il est assez moderne là aussi. Mais est-ce que c'est pas un peu la vision d'un touriste, justement, de chercher cette espèce d'authenticité quand on se promène dans un pays étranger, par exemple, dans un de ces textes que vous avez édité, à un moment, il dit qu'il trouve que les bédouins qui l'accompagnent sont trop serviles, trop domestiqués. Il y a quelque chose de presque touristique, justement, dans cette oui, manière d'en parler. Il aimait l'authenticité, il aimait le brutal, j'allais dire. Et alors, il n'y a rien qui le fait plus s'extasier que, justement, quand il est au Maroc, les réseaux de bédouins sur leurs chevaux qui tirent en l'air, etc. Ça, Lodi, ça le fait kiffer, comme on dirait aujourd'hui. Lui, qui était un tout petit bonhomme, hein, qui est, physiquement, il était très sportif, mais c'était un tout petit bonhomme. Et la prestance de ces cavaliers extraordinaires dans les rues de Fès ou de Rabat ou dans le désert, il adorait ça. Alors, je crois qu'il faut aussi imaginer que tous les touristes pensent qu'ils ont une vision authentique du pays. Si vous voulez, même si on enchaîne tous les clichés dans un pays, chaque touriste se dit « Mais oui, mais moi j'ai rencontré un type qui était authentique, qui m'a vraiment parlé, qui m'a emmené dans sa maison boire le café. J'ai eu un contact authentique avec la population, etc. » Je pense que cette illusion est assez répandue. On l'a tous fait, je crois. Dès que le pied se pose sur les vieilles dalles du quai de Tanger, on sent comme un suaire blanc qui tombe, un suaire lourd, éteignant tous les bruits d'ailleurs, toutes les modernes agitations de la vie. On a conscience d'un recul subi à travers les siècles, d'une replongée oppressante et profonde dans le calme des âges antérieurs. Entre les rangées de petits murs blancs, blancs comme des neiges mortes, on monte à la ville. Au-dessus de ces murs, du premier plan, on en voit d'autres qui s'étagent, qui montent très haut, festonnés et crénelés, et tout déformés par le temps, tout arrondis par les couches laiteuses de la chaux arabe. Quel mystère que l'immobilité de ce pays si rapproché de nous et en réalité si lointain. Et dire que tout cela n'est que la porte, l'entrée déjà passablement profanée de tout ce Maghreb fermé et sombre sous la dévorante lumière, de tout cet empire des Idriss, où la vie est demeurée la même qu'il y a 1000 ans, le soir, au coucher du soleil, sur la hauteur triste qui domine Tanger. En bas, très loin sous mes pieds, des centaines de cubes blancs comme neige, sans toit ni fenêtre, qui sont des maisons arabes ensevelies sous la chaux, des minarets plaqués de faïences jaunes et vertes, de vieux remparts. Plus loin encore, la mer bleue, d'un bleu cru, et à l'horizon, l'Espagne et l'Europe. Une proche voisine avec laquelle ce pays ne fraye pas. Alentour, sur les montagnes d'un brun rouge, croissent des aloès bleuâtres. Puis, tout s'éteint. En bas, les blancheurs de la ville tournent au bleu d'ardoise. Ce même bleu se répand partout, sur les montagnes et sur les aloès. Parmi les chameaux qui s'endorment, des gens en burnous gris sont attroupés autour d'un sorcier qui joue du tambour et d'un charmeur de serpents qui chante. Et à l'horizon, on distingue encore la pointe d'Europe qui qui semble pourtant si effroyablement reculé. Le journal de Loti du 26 mars 1889. Le journal, ça n'est pas le récit de voyage. Et pourtant, dans les récits de voyage, on a parfois l'impression de lire le journal de Loti. Alors, quelle différence ? Entre parenthèses, si tous les touristes écrivaient comme ça, on lirait plus volontiers leur correspondance. Le journal, c'est la matrice de toute l'œuvre et de toute la vie de Loti. Il l'a tenu pendant plus de 60 ans. C'est vraiment... je vous dis, c'était un graphomane, donc il écrivait partout, il prenait des notes et après, il organisait les choses. Donc, on peut supposer, j'ai pas fait le recoupement, mais on peut supposer que le texte qu'on a lu à l'instant, qu'on a entendu, a resservi après au Maroc, si vous voulez. Les pages sur Tanger sont absolument superbes. Vous avez fait un peu des comparatifs ? J'en ai fait un peu, mais le journal de Loti n'est pas encore intégralement publié. C'est en cours par nos amis Kélavillager et Versier qui sont admirables. C'est un travail de bénédictin d'éditer ces 5 gros volumes, etc. Et donc, c'est pas tout fini. On arrive dans les années qui m'intéressent le plus, c'est-à-dire à la pliure du siècle. On arrive à l'Inde, etc. Pourquoi etc. ça vous intéresse le plus ? Parce qu'il va dans des pays qui me sont plus proches, si vous voulez, comme effectivement l'Inde ou certains pays d'Asie. Il y a des voyages qu'il fait très tard. Par exemple, Angkor, il s'était promis, quand il était tout gosse, d'aller voir les temples d'Angkor, et il l'a fait qu'en 1913. Alors, il faut en parler un petit peu de ça, parce que c'est assez beau, justement. Il l'évoque dans Un pèlerin d'Angkor, quand il était petit, et qu'il montait dans cette pièce qu'il appelait son musée, au-dessus de la chambre de sa tante bien-aimée, où il y avait tout un tas d'objets, et il rêvait de ces voyages qu'il allait faire, il le pressentait déjà, un jour. Et il a dit, j'aimerais comprendre comment vous l'entendez, que lui a eu la prescience, finalement, de tout ce qui allait lui arriver, de tous ces voyages qu'il allait faire et de tous ces pays qu'il allait visiter. Oui, parce que il faut ajouter à ça des lectures. Il lisait l'Illustration et il est né en 1850 et c'est peu après qu'on a redécouvert encore, que Mouhot a retrouvé encore, qui était juste sorti de la carte, si vous voulez. Donc le petit Julien rêvait effectivement. Et puis n'oubliez pas le frère aussi, le frère aîné qui devait lui farcir la tête de récits de marins, de l'île au trésor, etc. Et oui, je pense. Loti était un type un peu bizarre. J'allais dire un peu spirit, un peu médium. Il était fasciné par le passé, par le temps, par la mort, extrêmement angoissé. Dans le texte qu'on a entendu tout à l'heure, c'est transparent, hein, les adjectifs, vous les avez notés. On parle de linceul, on parle de mort, on parle de choses de ce genre. Il était vraiment très, très, très coincé là-dessus. Et donc, j'ai l'impression qu'il y avait des temps parallèles comme ça. Il y a une espèce d'autre vie de Loti. Et effectivement, quand il était gosse, il a pu avoir cette prémonition qu'il ne resterait pas notaire à Rochefort, ni pasteur à Rochefort, et qu'il bourlinguerait dans le monde entier. Mais il se disait aussi en lui-même, déjà à cet âge-là, j'ai tout éprouvé, je suis allé partout, j'ai tout vu. Enfin, c'est-à-dire qu'il imaginait, avant même d'avoir quitté Rochefort, qu'il en serait d'une certaine façon désenchanté. C'est assez étrange. C'est sa mélancolie dont vous parliez au début. C'est un mélancolique, c'est un nostalgique, c'est un angoissé, c'est quelqu'un qui... Je ne sais même pas s'il a savouré vraiment, parce que même dans les moments d'extase face à un paysage extraordinaire, à un monument ou à un être, il pense systématiquement à la déliquescence, à la mort, à la fin, à la sienne en particulier. Voilà, donc c'est ça qui vous le rend proche ? Ça me le rend extrêmement touchant, en tout cas. Ça, oui, bien sûr. C'est une âme angoissée. Hein. C'est un héritier du romantisme. Le Tisson maître, c'était Chateaubriand. Donc, c'est quelqu'un qui est à l'aise dans les forêts, qui est à l'aise face à la brutalité du monde, à la sauvagerie. Il y a un côté nostalgique du paradis perdu aussi chez Loti. Il détestait l'Occident à cause de ça. D'où aussi pas mal de voyages qui sont des voyages de fuite. Oui. Est-ce que justement, c'est en allant chercher dans la religion qu'il va essayer de se sortir de cette espèce de mélancolie ? Je dis ça parce que vous avez appelé l'une de vos préfaces le pèlerin du monde. Oui, absolument. Il était né dans les deux religions protestantes et catholiques. Finalement, il n'en a choisi aucune. Et il est parti. Et c'est marrant parce que je dis quelque part qu'il a testé quasiment toutes les religions pour voir laquelle lui conviendrait le mieux. Et en fait, donc il y a des choses qui ont marché. il y a des choses qui n'ont pas marché du tout. Par exemple, il n'a pas du tout adhéré au judaïsme. Le voyage au Proche-Orient avec Israël, Jérusalem, etc., c'est assez terrible parce que du coup, il y a une espèce de rejet. Alors, est-ce que c'était l'époque? Est-ce que c'était je sais pas quoi? En tout cas, il y a un rejet de cet aspect-là des civilisations. En revanche, le reste, il a plutôt adhéré, notamment l'islam. Il était très, très porté sur l'islam et sur le mode de vie à la musulmane. Si finalement, c'est aussi le côté culturel qui l'intéresse. Tout, c'est pas ça fait un seulement ensemble. La religion, la c'est beauté des la gens, civilisation absolument. Qui va avec. Et il a bien adhéré à l'hindouisme aussi. Mm-hmm. Il y a une scène à Bénarès qui est assez extraordinaire à la fin de l'Inde sans les Anglais, où il dit à la limite, je pourrais finir ma vie là et attendre la mort sur ce quai, etc. Pierre Loti semble avoir été créé par un décret nominatif de la Providence pour prendre des vues de l'univers au moment où cet univers allait disparaître. Son œuvre est un album de dernières heures. Tous les pays dont il a parlé ont plus changé dans les 50 dernières années qu'elle n'avait fait en 1000 ans. La Turquie que Loti a connue et aimée, c'était celle où les plus hauts dignitaires de l'Empire ottoman, le jour du Selamlik, courait à pied derrière le carrosse bien clos sur le sultan mourant de peur, où le harem du commandeur des croyants comptait 250 femmes qui engraissaient parmi les bijoux cabossés de perles et les pianos centenaires, quand elles n'allaient pas se balancer dans un sac parmi les eaux bleues du Bosphore. La Turquie des mille et une nuits et des orientales. Et maintenant, la Turquie est une république austère et forte, où les hommes ne portent plus le fez, ni les femmes le tcharcha. Le Maroc de Loti est celui de la préhistoire, celui des temps de Louis-Philippe et de la conquête de l'Algérie. Son Japon, le Japon artiste de Madame Chrysanthème. Il n'avait pas prévu Pearl Harbor et encore moins Hiroshima. Et s'il semble avoir vu prophétiquement l'Inde sans les Anglais, c'est parce qu'il ne voulait pas les y voir, mais ils y étaient, ils y sont encore. Mais aujourd'hui, les Indes sont divisées. Et les royaumes fériques des Patiala et des Kapurthala, dont nous avons encore entrevu les monarques éblouissants, évoluent avec une vitesse astrale. Et son Islande même, où ses pêcheurs rêvaient de la Bretagne natale sur leurs doris épars à travers la brume éternelle, l'Islande réunit, à date fixe, près de ses geysers, un parlement. Loti a vu et décrit le globe, à la veille de son immense métamorphose, et c'est parce que lui, l'homme des nostalgies proches, des larmes et de la mélancolie incurable devant le temps qui fuit, c'est parce qu'il le sentait changer qu'il était si triste. Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange. C'était l'un de vos prédécesseurs, Jean-Claude Perrier, un critique littéraire du nom de Fernand Greig, qui pointe ici la nostalgie propre aux journaux de voyage de Loti, on en a parlé, et puis qui souligne que c'est le peintre d'un monde disparu. Et ça aussi, c'est important. Oui, alors, en écoutant ce texte, j'avais l'impression d'entendre Malraux par moment. Ce qui n'est pas tout à fait un hasard. D'abord, il y avait un ton assez solennel chez ce Fernand Greig. Et il se trouve que Malraux aimait beaucoup Loti. L'œuvre, il n'a pas connu le bonhomme personnellement, mais il aimait beaucoup Loti. Et il dit à plusieurs reprises dans des textes, il dit il faudrait relire Loti, il faudrait y retourner, il faudrait aller voir. Alors que les gens de la génération de Malraux, souvent la littérature fonctionne comme ça par rejet, les gens de la génération de Malraux, c'est-à-dire les surréalistes, etc., détestaient ou faisaient profession de détester Loti, qui faisait partie des vieilles gloires, des académiciens, etc. Mais pourquoi les surréalistes en particulier n'aimaient pas Loti? Après, il s'est excusé, Breton d'ailleurs. Parce que Loti, Anatole France, Paul Bourget, tout ça, c'était des Barès, c'était des vieux Schtroumpfs. Mais Gracq, qui était un petit peu dans cet univers-là, adorait Loti. Oui, mais il n'était pas, pas embrigadé d'une certaine façon par le Breton. Breton l'a regretté. Après, sur Loti. De même que Breton s'en était pris à Gide de manière totalement injuste et après a fait amende honorable. Mmh. C'était une époque un peu extrême, si vous voulez. Puis, Lotti était déjà vieux. Ils ont connu que le vieux Lotti, d'une certaine façon, pas le Lotti des débuts. Mais vous soulignez évidemment la modernité de Lotti, qui se trouve justement, peut-être moins selon vous, dans les fictions que dans ses récits clairement. Voyages. On parlait tout à l'heure d'écrivains engagés. Donc il y a, on a parlé de la guerre de 14, c'est quand même assez impressionnant. Et puis il faut évidemment parler de la Turquie, parce que le grand engagement géopolitique, j'allais dire, de Lotti, extrêmement concret, c'est la Turquie. Donc il est tombé amoureux fou de la Turquie dès son premier voyage. Parce qu'il est tombé amoureux fou d'une femme. Oui, c'est ce qu'on dit, ça. Je crois que c'est un peu plus compliqué que ça. Oui, Asiadé, bien sûr. Mais Asiadé, c'est devenu une espèce d'icône de l'œuvre de Lotti. Asiadé, les désenchantés, etc. Histoire triste, hein, puisqu'elle était mariée, elle vivait dans un harem, tout ça, elle est morte, enfin bon. Les lecteurs connaissent l'histoire. Sont toujours tristes, les histoires de Lotti. Les belles histoires d'amour finissent mal en général, comme disait un autre poète. En tout cas, il a découvert la Turquie. Alors, à la fois, cet art de vivre, parce qu'effectivement, il se sentait bien. Il vivait, au lieu de vivre dans les palais officiels, etc., il avait loué une maison dans un quartier populaire d'Istanbul, qui était donc sa ville, et il vivait à la turque. Ah bah, puisque vous en parlez, on va écouter tout de suite un extrait d'Asiadé où il évoque une maison qui est sans doute celle-là. La maison était située en un point retiré de Péra, dominant le panorama lointain de la ville turque. La splendeur de l'été donnait du charme à cette habitation. En travaillant la langue de l'islam, devant ma grande fenêtre ouverte, je planais sur le vieux Constantinople baigné de soleil. Tout au fond, dans un bois de cyprès, apparaissait Eyyub, où il eût été doux d'aller avec elle cacher son existence. Tout au fond de mon cœur, j'étais resté fidèle à Asiadé, mais les jours passaient et elle ne venait pas. Le ciel blanchissait à l'orient. La pâle débauche me retenait souvent par les rues jusqu'à des heures matinales. À peine étais-je endormi qu'une suave musique vint m'éveiller. Une vieille aubade d'autrefois, une mélancolie gaie et orientale, fraîche comme l'aube du jour, des voix humaines accompagnées de harpes et de guitares. Le cœur passa et se perdit dans l'éloignement. Par ma fenêtre grande ouverte, on ne voyait que la vapeur du matin, le vide immense du ciel. Et puis, tout en haut, quelque chose se dessina en rose. Un dôme et des minarets. La silhouette de la ville turque s'esquissa peu à peu, comme suspendue dans l'air. Alors je me rappelais que j'étais à Constantinople et qu'Asiadé avait juré d'y venir. Lu par Guillaume Gallienne. On sent bien évidemment la connaissance très sensible du pays qu'avait Lotti, lui qui a fait de nombreux séjours. Et d'ailleurs, ça se voit aussi dans ses récits de voyage que vous avez édité, Jean-Claude Perrier, puisque le volume Turquie, c'est le plus gros. Oui, parce qu'il y a 7 livres en fait dedans, parce qu'il y a effectivement l'histoire Asiadé avec la suite Les Désenchantés, comme son nom l'indique. J'ai beaucoup aimé dans l'extrait le mélancolique gay. Ça lui va assez bien. Mélancolie gaie et orientale. Donc il y a ça. Et puis surtout, il y a l'aspect politique. La relation politique de Lotti avec la Turquie. Un peu fanatique presque. Très fanatique. Alors pour schématiser, si vous voulez, Lotti, assez tôt, avait compris que la politique menée par les puissances occidentales, c'est-à-dire la France et surtout les Anglais, qu'il détestait particulièrement, surtout en tant que marin, il y a toujours cette hostilité entre les marins français et les marins britanniques. Donc Lotti, qui détestait largement les Anglais, accuse les puissances occidentales de snober, de mépriser complètement la Turquie, au risque de la pousser dans les bras des Allemands. Mmh. Ce qui était plutôt bien vu. Ce qui est arrivé. Puisque, comme vous le savez, exactement. Et Lotti a essayé de tirer le signal d'alarme pendant des années. Il voit venir mais ça. Mais auprès de qui? Auprès des autorités françaises? Les autorités françaises, les opinions à travers la presse. Il a écrit des dizaines de milliers d'articles. Ah oui, oui, tout à fait. On en retrouve encore. Et après, il les réunissait en recueil et il les publiait, les recueils. Et il y avait des articles sur les. Et il ajoutait même des réactions, des lettres, etc. Et il y a au moins trois ou quatre volumes d'articles, de recueils d'articles qui sont consacrés à la Turquie et aux affaires turques. Donc, ça n'a pas marché, comme on le sait, puisque la Turquie en 14 a choisi le mauvais camp. Mais Loti a vraiment déployé une énergie folle. Et ce faisant, étant tombé passionnément amoureux de la Turquie, symétriquement, il a détesté tous les gens qui n'aimaient pas la Turquie ou qui étaient les ennemis de la Turquie. Donc, pêle-mêle, les Grecs, les Bulgares, les Arméniens. On lui a beaucoup reproché, évidemment, des textes sur les Arméniens qui sont pas très amènes. Les Levantins, comme il disait, évidemment, les Anglais. Donc, il a mis dans le même sac, si vous voulez, tous les ennemis de la Turquie, avec un sens assez peu important de la diplomatie. Et donc, il y a des pamphlets terribles, il y a des textes terribles. Ça lui a valu des tas d'avanies, parce que évidemment, il y a eu des pamphlets anti-Loti. À la fois, ça a fait sa réputation et à la fois, ça lui a causé quelques soucis. Mais il allait au combat, il allait au charbon. Hein. En Turquie, on va peut-être aussi le révérer. Je crois que Mustafa Kemal Pasha, le premier président de la République turque en 1924, va lui envoyer un message de reconnaissance, à moins que je ne me trompe de date. En 1924, il était mort avant, c'est ce que je suis en train de dire. En 1922, oui, les Turcs envoient une délégation chez Loti à Hendaye, avec notamment un tapis précieux, et donc on lui fait des salam aleyk et on réaffirme l'admiration de tout le peuple turc. C'est un grand ami de la Turquie, etc. Oui, oui, il a été récompensé d'une certaine façon, mais c'était vraiment par pur idéalisme, si vous voulez, par amour pour ce peuple, pour ce pays, pour ces gens, pour leur religion, pour leur pratique, pour je ne sais trop quoi. En tout cas, c'était un amour fanatique. Et ça lui a fait commettre quelques bévues. Dont on reparlera si on a un peu le temps, parce que c'est quand même important de parler de l'antisémitisme, de Pierre Loti. Mais pour terminer quand même sur la vie à l'ottomane, hein, puisque c'est quand même un peu de ça qu'il s'agit, il faut rappeler qu'il a fait 9 voyages ou séjour dans ce pays-là, où il s'adonnait à la pâle débauche, hein, qui le retenait jusqu'aux heures avancées du matin. C'était quoi le quotidien de Pierre Loti en Turquie? Est-ce qu'on arrive à le cerner dans ses récits? Oui, à peu près, parce qu'il le raconte. Donc il y a pas mal d'heures de lecture. Il reste beaucoup chez lui. Il aime beaucoup cette maison, son quartier, effectivement. Donc il reste beaucoup chez lui à lire, etc. Il reçoit aussi beaucoup de gens. Et puis, il a de temps en temps des rendez-vous officiels, puis il se balade. Il s'habille à la locale, si vous voulez. Il a fait pareil au Maroc. Et il se balade à pied, et pas du tout en occidental avec cortège, etc., ce à quoi il aurait pu prétendre. Il se balade à pied, il va au contact des gens. Il a des serviteurs qui l'écoutent beaucoup chez lui, ce genre de choses. Donc, 5 textes dans ce recueil. Fantôme d'Orient, Constantinople, Turquie agonisante, La mort de notre chère France en Orient et Suprême vision de l'Orient. Vous avez un texte préféré, Jean-Claude Perrier, parmi tout cela? Peut-être un peu de Constantinople, mais on en a eu déjà. Prenez un article, peut-être, je ne sais pas. Ah oui, alors là, on ne va pas pouvoir tout de suite vous lire. On n'a pas tout prévu. Vous m'avez donné le choix, mais vous avez déjà fait votre sélection. Non, moi, je vous propose d'aller carrément plus loin, du côté de Jérusalem. Ah bah oui. L'espèce de buée immense dont l'air est rempli continue d'obscurcir le soleil, qu'on ne voit bientôt plus. Elle atténue les choses lointaines dans un effacement étrange. Les collines de pierre, du même gris violacé que le ciel de cette matinée, se succèdent, de plus en plus hautes, mais avec des silhouettes rondes toujours semblables, avec des contours adoucis où rien ne heurte la vue, comme si c'était des nuages. Dans les vallées ou sur les cimes, le sol est pareil, couche uniforme de pierres exfoliées, piquées de myriades de petits trous qui rappellent la nuance et le grain de l'écorce des chênes lièges. Et c'est ainsi partout, sous l'atténuation de cette vapeur persistante qui se condense d'heure en heure davantage. Un ciel gris-perle et un pays gris-perle, sans un arbre, dans la monotonie duquel des maisonnettes de pâtre ou des ruines très clairsemées font des taches d'un gris plus rose. Extrait de Jérusalem, lu par François Chaumette, qui vous rappelle, Jean-Claude Perrier, votre enfance passée devant la télévision. Vous le disiez pendant qu'on écoutait cette lecture, où on reconnaît le Loti peintre, dessinateur, le Loti coloriste. C'est là où il excelle d'ailleurs. Oui, parce qu'effectivement, c'était un merveilleux écrivain, mais c'est aussi un dessinateur exceptionnel qui a commencé comme ça d'ailleurs. Ses premiers textes, c'était en fait des textes qui accompagnaient des dessins publié dans la presse. Et puis, c'est un photographe exceptionnel aussi. Alors, il avait tous les talents, ce garçon. On le trouve, en effet, il avait tous les talents. Dans le volume des voyages au Moyen-Orient, des textes sur le désert, des textes donc sur Jérusalem, sur la Galilée. Il y a aussi Vers Isparan et La mort de Philae. Un mot sur le désert, peut-être, et la nature. Est-ce que c'est très présent, le vent, le soleil, l'herbe, tout ce qui constitue des éléments avec lesquels il se sent en communion. Fascination pour ce qui est... Alors, il a vécu dans des villes et il se sentait battre le cœur, si vous voulez, dans les villes, mais le loti, c'est le loti des grands espaces, oui. C'est très, très frappant au Maroc, par exemple. Dès qu'il peut s'échapper, les voyages, effectivement, c'est cette communion avec la nature. Et vous noterez aussi la présence de ruines. Il y a toujours des ruines chez loti. Ça, c'est le romantisme. Oui, que ce soit des ruines existantes ou des ruines fantasmées ou géographiques ou naturelles, que sais-je, il y a toujours des ruines. Donc, loti, oui, loti au Proche-Orient. Jérusalem, enfin, la Galilée, Jérusalem, tout ça, c'était un peu un... Ça s'est un peu imposé, si vous voulez, dans un voyage plus global. C'est un grand tour. Parce qu'on en parlait au tout début, donc il y avait ces voyages professionnels. Et puis, quand il pouvait s'échapper, il avait quand même des congés dans ses... Ou il prenait des congés sans solde. Il prenait des congés sans solde, mais il pouvait prendre un an de congés sans solde pour se payer un grand voyage, si vous voulez. C'était le cas avec ce voyage au Moyen-Orient. Alors, c'est vrai qu'il y a une grande énigme, c'est son allergie totale à la culture et à la civilisation juive. Alors, à quelques exceptions près, parce que, par exemple, au Maroc, il est reçu dans une famille juive, un peu reculant au début, parce que c'était des ghettos et donc il voulait pas trop y aller. Et puis, il est enchanté. Et les femmes sont belles, il mange bien, il est reçu comme un seigneur. Et finalement, ça le rabiboche d'une certaine façon un peu avec un univers qui lui est totalement hostile, étranger. Voilà, parce qu'il y a certaines citations comme ça qui sont impardonnables. Oui, il y a des phrases terribles, bien sûr. Ces juifs pieux priant au mur des lamentations agités, je cite, d'une sorte de dandinement général. Il parle aussi de leur calotte cachant les nez en lames de couteau et les mauvais regards, sans même parler de leur visage, je cite encore, d'une laideur à donner le frisson qui n'est que, je cite encore, l'indélébile stigmate d'avoir crucifié Jésus. Bon, là-dessus, c'est vrai qu'il n'y a pas tellement de manière de le sauver. Non, on n'essaiera même pas. Simplement, rappelons que c'est assez fréquent à l'époque et que le reproche d'avoir tué le Christ colle au basket des Juifs, si j'ose dire, depuis les débuts de l'ère chrétienne. Dans toutes les familles chrétiennes et catholiques en particulier, les Juifs, c'est des égorgeurs de bébés et c'est les meurtriers du Christ. Ça traînait, etc. Quant au côté physique, alors il n'est pas beaucoup plus tendre avec d'autres peuples. Hein, il est pas, et surtout, il n'est pas plus tendre avec nous, occidentaux. Oui. Donc, si vous voyez, il avait la dent assez vache. Un peu, quand même. Il y a des choses sur les Anglais. Oui, sur les Anglais. relisez ce qu'il dit de nos amis anglais ou des Allemands. Bah d'ailleurs, il écrit quand même un livre qui s'appelle L'Inde sans les Anglais. Oui, ça c'est un pied de nez, c'est une provoque. Ouais. Mais si on lit dans justement les textes de guerre, les textes sur les Boches, comme on disait à l'époque, c'est assez violent également. Si vous voulez, c'était pas bon. Donc de ce point de vue-là, on peut pas tellement aller à la louche, sauver Loti. Non, ou... on va pas ni le sauver ni l'attaquer. Vous savez, ça m'agace un peu la relecture moderne de l'histoire. Bon, Loti s'est figé, c'est une œuvre qui s'est achevée dans les années 20. C'est pas ni pour le défendre ni quoi que ce soit. Il a écrit ce qu'il a écrit. Lisons-le, on a notre opinion, nos jugements modernes, mais on ne va pas commencer à refaire, ni surtout à faire des procès comme ça un siècle après, je trouve ça absurde. Alors sur Jérusalem, il est aussi très déçu. D'ailleurs, il est souvent déçu quand il arrive quelque part, et encore plus quand il a beaucoup souhaité y aller avant. Qu'est-ce qu'il pense de Jérusalem ? Tout est fantasmé dès l'enfance, si vous voulez. Donc parfois, il est déçu. Jérusalem, bah, il trouve ça gris, il trouve ça palichon, il trouve ça... ça le touche pas, en fait. Fondamentalement, c'est une civilisation, c'est une religion qui ne le touche pas. Donc, rien ne le touche. Il est injuste, parce que les monuments sont sublimes. Ils y sont pour rien, si vous voulez. En revanche, ça le touche pas. De même que le Taj Mahal ne l'a pas touché, parce que c'est pas sa conception de l'Inde. C'est comme ça. Mmh. En revanche, encore le touche, mais le touche pour des raisons fantomatiques. Il y passe une nuit, il y a des chauves-souris, il fait des cauchemars, il voit des fantômes, etc. Ça le touche. Oui, il va quand même pleurer dans le jardin des Oliviers quand pleurer il le Oui, bah, le Christ quand même. Bah oui, il est quand même né moitié catholique, moitié protestant. Ça se gomme pas comme ça. Bon, allez, on continue notre voyage un petit peu plus loin vers l'est. Au petit jour naissant, nous aperçûmes le Japon. Ce ne fut d'abord qu'une série de petits sommets roses, l'archipel avancé des Fukai, au soleil levant. Mais derrière, tout le long de l'horizon, on vit bientôt comme une lourdeur en l'air, comme un voile pesant sur les eaux. C'était cela le vrai Japon, et peu à peu, dans cette sorte de grande nuée confuse, se découpèrent des silhouettes tout à fait opaques qui étaient les montagnes de Nagasaki. Tout était admirablement vert. La grande brise du large brusquement tombée avait fait place au calme. L'air, devenu très chaud, se remplissait de parfums de fleurs. Et dans cette vallée, il se faisait une étonnante musique de cigales. Elles se répondaient d'une rive à l'autre. Toutes ces montagnes résonnaient de leurs bruissements innombrables. Tout ce pays rendait comme une incessante vibration de cristal. Nous frôlions au passage des peuplades des grandes jonques qui glissaient tout doucement, poussées par des brises imperceptibles. Sur l'eau, à peine froissées, on ne les entendait pas marcher. Leurs voiles blanches, tendues sur des vergues horizontales, retombaient mollement, drapées à mille plis comme des stores. Leurs poupes compliquées se relevaient en châteaux comme celles des nefs du Moyen-Âge. Au milieu du vert intense de ces murailles de montagne, elles avaient une blancheur neigeuse. Quel pays de verdure et d'ombre ce Japon! Quel Éden inattendu! Un extrait du roman Madame Chrysanthème lu par Gaëtan Jord, donc pas à proprement parler un récit de voyage, même si, comme on ne cesse de le répéter, les frontières sont très poreuses, avec Pierre Loti. Dans ce volume, Voyage en Extrême-Orient, vous avez rassemblé, Jean-Claude Perrier, les écrits sur Annam, la Birmanie, le Cambodge, la Chine, la Corée, le Japon et Singapour. On peut peut-être parler un petit peu du Japon parce qu'il y a effectué 5 voyages. C'est presque un de ses pays préférés d'Asie. Il y a un peu vécu, il s'est attardé, il s'y est marié. À une geisha. Pendant une semaine. Non, un mois. Oui, mais bon, ça compte quand même. Ça compte quand même. Et d'ailleurs, il parle des prostituées japonaises dans ses récits de voyage en disant qu'elles sont en pleine lumière et qu'on peut aller les voir comme ça dans la rue sans avoir à se cacher. Oui, il a pas de tabous moraux, Loti. Donc, on lui explique que c'est une coutume d'épouser une femme japonaise. Effectivement, il se marie pendant 3 semaines, puis il s'en va. Elle est triste, il est triste. C'est un peu la même histoire qu'avec Asiade, si vous voulez, ses grandes amours exotiques. Il est rentré bourgeoisement chez lui, si j'ose dire. Oui, le Japon, ça lui a beaucoup plu, ça l'a beaucoup impressionné. Est-ce qu'il le comprend, ce pays, quand même? Je pense que... Loti était un intuitif. Donc, il arrive, il voit et il va au cœur des choses, si vous voulez. Il va vite. Parce qu'il s'attarde jamais très longtemps, même s'il retourne. Je crois que oui, il a plutôt bien compris. C'est une culture qui l'apaisait, je pense. Il y note que tout est bizarrerie, tout est contraste, et que finalement, il y a quelque chose d'invraisemblable dans ce Japon disparate, hétérogène, sont aussi des mots qu'il emploie. Oui, mais c'est un Éden en même temps. Ouais. Il l'emploie aussi. Sûrement. Il faut imaginer le Japon de l'époque. On est à la fin du 19e. Ça devait être furieusement exotique, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Mm-hmm. Surtout qu'il va dans le Japon profond, déjà. Cette verdure, par exemple, aujourd'hui, elle a dû souffrir. Alors qu'à l'époque, on peut imaginer que le Japon ressemblait à une espèce de grand jardin avec un temple posé de temps en temps sur des montagnes ou des choses comme ça. Vous voyez, ça me fait rêver déjà. On peut pas s'intéresser à Loti si... C'est une aspiration pour vous en tant qu'écrivain? Non. Je peux pas dire, ce serait vraiment outrecuidant. En revanche, le goût des voyages m'est venu effectivement en lisant Loti, oui. Ouais. Entre autres, pas que Loti, mais beaucoup Loti. Oui. Alors si on allait maintenant un peu à Ispahan, puisque c'est également l'un des récits de ce volume, en écoutant d'abord un extrait dans une lecture de François Chaumette. Qui veut venir avec moi voir à Ispahan la saison des roses? prennent son parti de cheminer lentement à mes côtés, par étapes, ainsi qu'au Moyen-Âge. Qui veut venir avec moi voir à Ispahan la saison des roses ? Consente au danger des chevauchés par les sentiers mauvais où les bêtes tombent, et à la promiscuité des caravansérails où l'on dort entassé dans une niche de terre battue, parmi les mouches et la vermine. Qui veut venir avec moi voir apparaître dans sa triste oasis, au milieu de ses champs de pavots blancs et de ses jardins de roses roses, la vieille ville de ruines et de mystères, avec tous ses dômes bleus, tous ses minarets bleus d'un inaltérable émail, se prépare à de longues marches au brûlant soleil, dans le vent âpre et froid des altitudes extrêmes, à travers ces plateaux d'Asie, les plus élevés et les plus vastes du monde, qui furent le berceau des humanités, mais sont devenus aujourd'hui des déserts. Alors on aurait pu s'attendre à ce qu'il aille plus tôt en Inde, mais finalement il attendra quand même d'avoir 49 ans, alors que sa recherche spirituelle aurait dû l'y conduire plus tôt. C'est les occasions, c'est comme encore, il a attendu lui aussi d'avoir une occasion. L'Inde, c'est quand même très farfelu, parce que le prétexte officiel de son voyage en Inde, il y va en temps, en 1899, fin 1899, il passe Noël en Inde, il y reste un mois et demi, je crois, 1899-1900, et donc il est envoyé par l'Académie française, donc au titre d'académicien, pour remettre les palmes académiques au Maharaja de Travancore. Qui devait être content. Comme on appelait autrefois Trivandrum. Ouais, le Maharaja devait être très honoré. J'avais cherché un peu le pourquoi du comment. Je crois que c'est parce qu'il avait aidé une école ou un truc comme ça. Enfin bon, le vieux prétexte, l'OTI a dû sauter. Je pense qu'à l'Académie, ils ont dû dire... Il n'y en a pas un qui veut aller en Inde voir le Maharaja, lui donner les palmes, et l'autre, il a sauté dessus, parce qu'il en a profité pour faire un voyage extraordinaire. Alors, on le traballe en litière, en char à bœufs, dans une chaleur de gueux. Parce que, on l'a bien vu dans le texte qu'on vient d'entendre, Loti passe partout. À la fois, c'est un homme de confort, mais il crapahute, il bourlingue. Plus les conditions sont éprouvantes, il s'en fout complètement. Il dort n'importe où. Au contraire, il y a même ce plaisir. Il adore ça. Au Maroc, il y a des conditions épouvantables. Il traverse tout le pays sous des trombes de flotte, dans la moisissure. Il dort dans des bouis-bouis, dans des gourbis. Rien ne l'arrête. C'est le côté officier, ça, si vous voulez. Et en même temps, partout où il va, même dans la jungle, il retrouve la Saintonge, la Charente, les paysages de son enfance. La jungle indienne lui évoque la Saintonge. Alors j'avoue que je connais mal les jungles de Saintonge, mais ça m'a toujours paru un peu bizarre. Oui. Moi non plus, je connais mal les jungles d'Inde, mais je pense pas que ça ressemble beaucoup à la Saintonge. C'était une espèce de nostalgie qui s'incarnait. Il aimait les forêts, il aimait la nature. C'était pas un homme des villes. Donc c'est toujours la nostalgie du paradis perdu avec Pierre Loti. Définitivement. Même si ce paradis est brutal, même s'il trouve d'autres paradis, des consolations, mais oui, bien sûr, c'est le paradis perdu. Alors où est-ce qu'il va en Inde ? Il commence dans le sud, il arrive donc par Ceylan et il aborde Travancore. Travancore, c'est le sud du Kerala, donc il fait son job, il va voir le Maharaja, il est reçu somptueusement, on lui fait des processions d'éléphants, il est fou de joie, etc. Et après, il sillonne... pas tout le pays, mais il sillonne quasiment tout le pays quand même. Ouais. Il remonte jusqu'au Rajasthan, d'abord. Après, il fait une boucle totalement improbable. J'ai publié dans le volume la carte de son voyage qui est totalement absurde, ce qui me fait dire qu'il a tout reconstitué après. Et je dis même à un moment qu'il n'y a pas un agent de voyage qui pourrait monter ce voyage-là. Même pas Cook. Non, même pas Cook. De l'époque. Pas un voyageur, pas un tour opérateur anglais pour Loti, vous l'auriez fait s'étouffer d'horreur. Alors au début de son récit, il décrit la ville d'Anuradhapura. Oui, sans doute. Vous en souvenez ? Non. Je ne sais même pas où c'est. Moi non plus, mais en tout cas, c'est une très belle description. Ou au Kerala. Oui, il y a des descriptions partout. Non, ce qui est fondamental, au-delà de la plaisanterie, c'est qu'il a vu tout de suite que deux Indes coexistent en Inde. L'Inde du Sud, qui est l'Inde dravidienne, l'Inde hindoue, qui lui plaît beaucoup, et l'Inde du Nord, l'Inde moghole, qu'il appelle l'Inde, pour lui il y a l'Inde des palmes, le Sud, et l'Inde de la famine, l'Inde du Nord, l'Inde des villes tentaculaires, et là il s'y sent mal, il n'a qu'une envie, c'est de redescendre dans le Sud. Et pour aller plus loin, on peut donc lire tous ces volumes, bientôt le 7e qui va apparaître chez Artaud, des voyages de Loti. Merci beaucoup Jean-Claude Perrier. Merci à vous. Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange. Et tout de suite, c'est le moment de retrouver en compagnie des revues. Nous avons le plaisir de vous accueillir aujourd'hui Fabien Simode, rédacteur en chef du magazine d'art plastique L'Œil. Bonjour Fabien. Bonjour Mathieu. Alors la FIAC ouvre ses portes la semaine prochaine et vous consacrez pour l'occasion dans L'Œil 30 pages à la scène artistique française. Oui, plus qu'un dossier, c'est une analyse que nous consacrons à la scène française dans le magazine L'Œil ce mois-ci. Une analyse quasi psychanalytique tant parler d'une scène artistique hexagonale réveille un traumatisme profond. En effet, quand nombre de pays revendiquent et défendent leur scène artistique nationale, la France, elle, peine à promouvoir la sienne. Ainsi parle-t-on d'une scène artistique américaine, allemande, chinoise, même indienne, mais pas d'une scène française. Alors, l'histoire, elle remonte à la Seconde Guerre mondiale lorsque le monde de l'art s'est déplacé de Paris à New York. On sait aujourd'hui que le gouvernement américain a exhorté ses musées, ses collectionneurs à soutenir les artistes américains. Or, pendant que le MoMA achetait à New York les œuvres de Rauschenberg, Jasper Jones, Jackson Pollock, à Paris, le Musée national d'art moderne, lui, ignorait superbement Tinguely, Klein, Jacques Villeglé. Ce n'est pas la première fois que la France passait à côté de ses avant-gardes, elle qui n'avait pas su reconnaître Picasso. Mais cette fois, elle était confrontée à un double handicap. Premièrement, faire face au protectionnisme américain. Deuxièmement, composer avec sa tradition d'accueil. Car comment défendre une scène française lorsque ces artistes sont pour beaucoup nés en dehors des frontières de l'Hexagone. Picasso, Fujita, Zaouki, Brancusi, Modigliani, Chagall et plus tard Antaï, Vasarely et Dado sont nés hors de France et pourtant tous appartiennent aux écoles successives de Paris. Alors cet universalisme est difficilement compatible bien sûr avec le concept de scène nationale. Donc ça c'est pour les années d'après-guerre. Qu'est-ce qu'il en est d'aujourd'hui ? La situation n'a guère évolué, Mathieu. La France a beau avoir depuis l'an 2000, grâce à l'initiative de collectionneurs privés, un prix destiné à soutenir les artistes français. Il s'agit du prix Marcel Duchamp qui sera décerné la semaine prochaine. Elle n'a en revanche pas voulu créer d'institution destinée à promouvoir ces artistes. Il n'existe pas à Paris l'équivalent d'un Whitney Museum à New York ou de la Tate Britain à Londres, deux musées dédiés aux scènes nationales. Et les grands musées parisiens n'ont pas toujours fait le job pour combler ce manque. On reproche par exemple au Centre Pompidou de préférer programmer deux expositions de Francis Bacon en 20 ans, alors qu'il n'a jamais montré le peintre français Vladimir Velikovitch disparu il y a peu. Le même reproche est formulé aux collectionneurs François Pinault et Bernard Arnault, qui ont préféré acheter Kuntz et Murakami quand Charles Saatchi, le britannique, fédérait une génération d'artistes anglais autour de Damien Hirst, c'est les Young British Artists. Après cela, bien sûr, comment s'étonner que nos artistes ne s'exportent pas ou mal et que leur valeur ou leur cote ne décolle pas sur le marché de l'art. En même temps, il doit bien y avoir une scène française. Vous avez raison, définir une scène française, c'est d'abord une question de volonté. Le Palais de Tokyo inaugurera la semaine prochaine, durant la FIAC, une exposition intitulée « Futur, ancien, fugitif ». Une scène française. Alors, est-ce le début de cette volonté politique dont je parle ? Peut-être. En tout cas, les indicateurs sont au vert. La Biennale d'art contemporain de Lyon, qui se tient en ce moment, défend par exemple désormais un ancrage national, voire local. Même la FIAC, pourtant critiquée pour son manque de nationalisme, revendique aujourd'hui dans L'Œil un engagement qu'elle dit total vis-à-vis de cette scène française. Reste maintenant à définir les contours de cette scène. C'est ce qu'Anne-Cécile Sanchez et Amélie Ademo font dans L'Œil, en dressant le portrait d'une cinquantaine d'artistes représentatifs de cette scène aujourd'hui. Alors certains artistes sont nés aux États-Unis mais vivent et travaillent en France comme la peintre Linda Childrest. D'autres sont nés en France mais se sont installés à l'étranger où leur travail est mieux reconnu comme la vidéaste par exemple Marie Lozier qui est à New York. Elle est ainsi la scène française, j'ai envie de dire diverse, mobile et complexe, finalement à l'image du monde dans lequel on vit. Mais ce n'est pas grave, l'essentiel étant d'admettre qu'elle existe cette scène française et qu'elle est diablement passionnante. Je n'en doute pas une seconde. Merci beaucoup Fabien Simode. Tout cela et bien plus encore à retrouver dans le magazine L'Œil dont vous êtes rédacteur en chef. C'était écoutez La Compagnie des œuvres, une émission d'Anne Vanessa Prévost, Laurence Millet, Laurence Genepin, Hélène Rivière, Didier Pinault et Laurie Vachon. Demain, c'est la dernière étape de notre parcours Pierre Loti. Nous retournerons avec lui en Turquie grâce à Sophie Bache qui nous parlera de son orientalisme et du roman Les Désenchantés qui se passe dans un harem d'Istanbul. Tout de suite, on retrouve les sciences sur France Culture.